Au sport, le 13 janvier, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile. Louis Saint-Laurent affronte Tandem Le Boisé à l'Arena Distinguis à 16h. Le 15 janvier, dans la Ligue de basketball Benjamin masculin Division 3, Louis Saint-Laurent visite le séminaire de Sherbrooke à 19h15.